c'est d'abord une culture. Quand on est en DevOps, on prend tout le monde. DevOps et Agile font effectivement partie de la même famille. La virtualisation applicative, c'est très bien. Aujourd'hui, ça nous prend 10 minutes et un café. Ce n'est ni être dev, ni être ops. C'est avant tout de la communication. Ce mouvement DevOps, c'est tout simplement drivé par la communauté et endorsé par les entreprises. J'ai adopté une démarche DevOps. Le développement agile. On a accéléré le déploiement. Ça amène une clarté sur le travail de... Être dans une démarche d'amélioration continue. On se retrouve face à des... Travailler naturellement ensemble, ça donne des résultats concrets. DevOps. L'objectif individuel, ça s'atteint, alors qu'une ambition, ça se partage. Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue au 12e numéro de DevOps. Alors aujourd'hui et comme l'année dernière, nous allons faire un petit retour sur le FOSDEM. Alors autour de la table, c'est cool parce qu'on a des petits nouveaux et des anciens. Moi, c'est toujours bien en fait. Et donc on va vous raconter un peu ce qu'on a vécu du FOSDEM, c'est-à-dire aussi bien les conférences, l'ambiance, etc. Enfin voilà, un peu comme l'année dernière et comme ça vous pourrez faire un peu la différence entre les deux années. Alors je vais laisser tout le monde se présenter d'abord. Alors, je vais laisser les petits nouveaux d'abord se présenter. Vas-y, du coup, c'est pour moi. Salut tout le monde, moi c'est Pierre Pelletier. Je suis dev back-end dans la team Core au Bon Coin. En gros, la team Core, c'est toute la team qui fait la partie des tech, les projets tech de fond. On fait pas mal de Kafka, on revise à peu près les perfs un peu partout. C'est bon, ça te plaît? D'accord, bah oui, nickel. Alors encore un nouveau. Alors Jérôme Delahaye, je fais partie des équipes Cloud de BNP Paribas. Donc je suis dans une team qui dessert du Kubernetes et qui s'appuie sur une solution IBM qui s'appelle IBM Cloud Private. Donc bon, ça fait un an que j'ai commencé. J'ai switché depuis le stockage, donc c'est un peu... Là, je commence à être dans le bain, mais sinon, c'était assez nouveau. Donc, voilà, super intéressant. Alors, vous avez vu là, donc, des profils assez différents de ce qu'on a l'habitude. Là, donc, c'est assez cool. Mais on a quand même deux anciens pour relever l'Ops et la SRE style attitude. Alors, vas-y, Totor. Bah, Victor, un habitué et un des participants de la première heure. Je suis donc SRE chez Le Bon Coin, plus pour très longtemps. Oh, il tease. Spoiler alert. Tease. Bientôt dans une autre boîte. J'en dirai plus la prochaine fois. Voilà. Et enfin. Et pour terminer, Xavier, donc SRE dans l'équipe Data Engineering chez Le Bon Coin, où là, comme dans beaucoup de BI et autres, on essaie de traiter les données qui sont générées par l'activité du site pour les présenter au marketing, au sales et même aux développeurs et aux feature teams pour qu'ils puissent déterminer leurs KPIs et leurs objectifs. Alors, c'est assez cool parce qu'au final, heureusement que Jérôme est là pour m'accompagner, sinon on aurait été que entouré de Le Bon Coin. C'est pas faux. Donc voilà, et puis alors moi, Guillaume Létron, et donc je suis toujours freelance SRE autour de Kubernetes, etc. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on est gentiment hébergé par WeWork, puisque c'est ici que je travaille en ce moment pour un client. Et donc, on est dans une salle. Donc pour ceux qui ont le live, on rappelle, on a toujours un live stream 360 degrés sur YouTube en live, etc. Attends, c'est moderne. On peut pas décider c'est 2019 parce qu'on faisait déjà en 2018. Donc, mais en tout cas, c'est très moderne, c'est très bien. Et donc on va commencer ce premier numéro de l'année sur le FOSDEM. Et comme on a des petits nouveaux, on va essayer de garder la tradition qui est, Pierre, donne-nous la définition du DevOps pour toi. Comme c'est une définition comme on a un peu de mal tous à se... Y a autant de définitions que de personnes. Donc... Et donc, on veut la définition de toutes les personnes. Ouais, c'est pour ça que je réfléchis un petit peu, parce que ça peut la question qui est super politique. Je dirais, c'est... Je sais pas, il y en a, ils disent c'est l'ancêtre du SRE. Ouais. Après, pour moi, c'est les SRE des startups, en gros. Ça touche un peu plus large, ça a moins de vision de produit. C'est à peu près ça, ouais. Pour moi, la différence, on va dire, c'est un SRE sans la notion de produit, à peu près. Après, c'est censé faire de la CI/CD, ça fait de l'automatisation. Mais ça n'a pas la vision... Enfin, c'est quand même dans la team de dev. C'est un peu la grosse diff que je vois. C'est à D'accord. peu près ça. Donc, une définition plutôt sur le profil, poste, ouais. Voilà, le profil et le poste. Non, mais très bien. Ouais, sur le social, c'est pas vraiment sur la tech ou le scope. Pour moi, ça devrait bouger à peu près. Enfin, c'est tout le temps des réponses à des besoins. Donc, après, c'est plus des organisations sociales, quoi. Mais c'est toi qui disais la dernière fois le truc que j'avais bien aimé. C'était quoi? C'était l'organisation reflète le produit? Non, le produit reflète l'organisation plutôt. Ouais. Alors, la loi de Conway. Exactement. Elle est bien. J'aime bien. Voilà. Donc, la loi de Conway, pour rappeler à ceux qui ne connaissent pas, c'est le produit ressemblera toujours à votre organisation. Voilà. Donc, si vous voulez changer le produit, changez l'organisation d'abord. Et enfin. C'est beau. Voilà. Alors Jérôme, vas-y, essaye de nous dire un peu, toi, qui en plus, alors là, tu as un profil très différent d'une autre. Bah oui, moi, ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure, c'est que je faisais de l'infrastructure de stockage avant. Donc, les milieux d'ops, je connais très bien, mais dev, beaucoup moins. Et le DevOps, je le vois comme une manière d'essayer de réunir les deux mondes, justement, des ops qui auraient bien envie de faire des mises à jour d'infrastructure, de ce genre de choses, avec les devs qui veulent jamais, parce qu'ils ont des trucs à réaliser pour le business, ce qui peut se comprendre également. Donc c'est ce qui fait rentrer en général l'argent dans une boîte. Et voilà, pour moi, le DevOps, c'est une manière de réunir les deux, de les mettre d'accord et d'avoir une meilleure... Une meilleure interaction entre l'opérationnel qui va gérer la mise à disposition d'infrastructures et le dev qui va les utiliser pour générer du business dessus. Et c'est d'autant plus vrai chez BNP Paribas, qui est une énorme boîte avec énormément de process à la mode, c'est une grosse boîte. Et je pense que ça fait du bien d'un peu d'oxygène de pouvoir rapprocher justement les devs et les ops qui sont à des années-lumière l'un de l'autre dans un contexte comme le mien. Donc voilà, c'est un peu ma définition. Très bien, enfin il n'y a pas... Enfin, on s'est dit depuis le début qu'il n'y aurait jamais de mauvaise définition. C'est marrant parce que on a des définitions qui sont plutôt aux antipodes, du coup. D'un côté, le SRE de la startup et de l'autre côté, le rapprochement des devs et des ops. Du coup, ça fait vraiment des définitions. Il y en a un qui est sur le profil d'une personne et l'autre qui est sur un état d'esprit de collaboration. C'est ça. Non, mais voilà, comme ça, on a encore de nouveau un spectre large entre les deux. Alors maintenant, on va commencer un peu par le cœur du sujet, donc le FOSDEM. Et si on rappelait un petit peu avant, même si on a déjà fait une émission l'année dernière, qu'est-ce que le FOSDEM ? Exactement. Mon cher Guillaume. Eh bien, tu viens te m'ôter les mots de la bouche. Et l'année dernière, c'était Gentux qui nous avait redonné la définition dont on ne se souvenait pas. Cette année, je m'en suis souvenu. Donc FOSDEM, c'est pour Free Open Source Software Development European Meeting. Exactement. Et voilà, FOSDEM. Donc on rappelle, c'est un meeting qui se passe, enfin c'est une grosse conférence globalement, qui se passe à Bruxelles, dans l'ULB, l'Université Libre de Bruxelles, qui est une université francophone. Ouais, il y a à peu près plus de 8000 personnes qui se rassemblent pendant ce week-end, et environ 750 talks qui sont quand même distillés pendant ces deux jours. Ouais, sur une trentaine de tracks différents, je crois. Ah oui, donc deux programmes, une pour la journée du samedi, une pour la journée du dimanche, donc vous en avez un peu pour tous les goûts, etc. Bon, sachant qu'il y a toujours des tracks plutôt orientés développeurs et d'autres plutôt orientés ops, et d'autres complètement what the fuck. Quand je dis what the fuck, il y a des trucs ultra perchés du type software defined radio, des choses comme ça, des trucs IoT, mais genre vraiment complètement barbu. Cette année, il y avait même une salle sur le RISC-V, donc l'architecture LISA, l'architecture processeur open source, etc., où il n'y a même pas d'implémentation qui marche bien. Mais vraiment, vous allez avoir de tout. Alors, bien sûr, il y a plus ou moins de monde, c'est plus ou moins grand, ça va être plus ou moins pointu. Mais voilà un peu l'univers. Alors, sachant que ça ne parle, comme son nom l'indique, que d'open source. Vous n'aurez pas de track sur la dernière version d'Oracle ou je sais pas quoi, de choses pas open source. Bien que Oracle pourrait participer sur ces projets open source là-dessus, il n'y a pas de problème. Et donc, ça se passe dans l'Université Libre de Bruxelles. Et voilà. Et alors, on va essayer de parler un peu de l'ambiance. Donc déjà, nous, comment on y était ? Enfin, un peu, ça va se passer comment, un week-end type à Bruxelles ? C'était la semaine dernière. Il y a deux semaines. C'est toujours le premier week-end de février. Voilà, premier week-end de février. Cette année, c'était le 2 et 3 février 2019. Donc on y était. Alors là, l'avantage en plus, on peut en parler encore mieux, c'est qu'on était tous ensemble. On était dans un grand appartement au centre de Bruxelles. Qui n'était absolument pas un Airbnb, mais qui avait été commandé avec le logiciel du Bon Coin, évidemment, hein, surtout si on nous écoute à la compta. Et on n'est pas en Belgique, mec. On dira si la compta du Bon Coin nous écoute. Hein, Et un hôtel, tout ce qui est de plus tout ce qui est plus standard. Oui, voilà. Voilà, voilà, exactement. Un grand appartement hôtel pour 9 personnes. Voilà. De suite. Donc on était là-bas. Donc en gros une journée type au Fosdem. Bah, je sais pas si quelqu'un veut raconter comment on est arrivé, etc. Déjà pour très vite. Ouais, très vite. Bah ça reflète vraiment l'événement où ce sont une communauté, donc un ensemble de personnes qui viennent d'horizons différentes. Donc on est tous arrivés à des heures différentes. Faut savoir déjà que ça commence le vendredi. En plus, voilà. Le vendredi soir. L'événement à ne pas louper, c'est le Friday Beer Event qui se passe au Delirium Café tous les ans et c'est toujours blindé de monde, bien sûr. Et il faut surtout pas le mec m'a tout spoilé quoi. C'était le meilleur truc qu'il y avait à dire sur l'événement. Mais donc voilà. Donc en gros, on a bu de la bière le vendredi, comme son nom l'indique, Friday Beer Event. Donc voilà. Donc on a bu pas mal de bière, c'était cool. C'est l'occasion normalement de rencontrer des gens. Enfin, je sais que tous les ans, je rencontre des gens de mes anciennes boîtes, d'un peu tout. Donc c'est vies antérieures. Ouais. Voilà. C'est et futures des fois. En le faisant toutes les années, on fait des rencontres et après, c'est marrant de les retrouver chaque année. Les anciens collègues, ce que tu dis, les gens que t'as connus là-bas, les gens que tu connais extérieurs et que tu retrouves là-bas. Ouais, non, mais c'est là que tu te rends compte quand même que la communauté open source est quand même assez réduite, quoi. Je trouve. Pas forcément réduite, mais on va dire que les gens engagés sont souvent les mêmes. La partie active, en tout cas. Ouais. Oui, oui, et puis en fait, enfin, tu croiseras toujours les mêmes. En fait, enfin, tu les reconnais, les gens qui vont aller au Fosdem les années d'après, etc. Enfin, ça. Ceux qui sont sur les stands et tout, tu revois les têtes. Tu dis, ah, j'ai déjà vu l'année dernière. C'est ça, les gens des talks. Alors c'est ça aussi l'intérêt, c'est que étant très petit, on recroise les mêmes personnes. On en reparlera d'ailleurs sur la fin du Fosdem de comment ça se passe, mais on recroise en fait tout le temps les mêmes personnes qu'on a vues avant dans les talks. Enfin, c'est ça vraiment l'intérêt. Donc après l'explication des deux jours, bon, on l'a dit globalement. Ça va être des conférences dans des salles et après le soir les gens font ce qu'ils veulent, boivent la plupart du temps je pense et ils recommencent le lendemain. Donc voilà. C'est une repeat. On va parler un peu après maintenant des talks qu'on a vus puisqu'en fait donc comme on a dit il y a des talks un peu de tout et de rien, mais tout en orienté sur l'open source. J'aimerais bien déjà qu'on s'oriente, puisque à la base, quand même, c'est un FOSDEM, ça parle de développement, comme son nom l'indique, avec le D de développeur. Quelles sont un peu les choses de développeur qu'on a vu? Je sais que Pierre, t'es peut-être le plus développeur d'entre nous. Qui va pouvoir nous parler un peu de... Est-ce que t'as rushé une salle en particulier? Ouais, alors c'est simple. Moi, j'avais samedi, je voulais rusher la partie Go et le dimanche, je voulais rusher le Rust. Et voilà, c'était un peu un échec. Vas-y, explique-nous pourquoi. Alors du coup, c'était mon premier FOSDEM. J'y suis allé... Je connaissais absolument pas et du coup j'en sors, c'est une super ambiance. Par contre, j'ai l'impression, enfin c'est mon avis perso, le FOSDEM a été quasiment victime de son succès, c'est-à-dire il y avait beaucoup trop, enfin il y a beaucoup de monde, beaucoup de monde, surtout sur la track Go qui est une track qui monte énormément. Et du coup c'est à chaque fois une demi-heure pour rentrer dans une salle, c'est un bordel monstrueux. Du coup soit tu campes vraiment dans la salle pendant à peu près 5 heures de suite, soit si t'as envie de gambader pour essayer de trouver un ou deux trucs entre les talks qui t'intéressent pas, tu rentres plus quoi. Du coup j'ai raté la plupart des talks qui m'intéressaient, mais dans les talks Go que j'ai vus, bah j'ai rien vu de très intéressant en fait. J'ai vu un vieux truc pour faire du Chrome Headless, pour faire des applications en Go. J'ai vu, je pourrais à peine te dire, c'était en Go c'était pas incroyable. Le dimanche en Rust par contre c'était un peu plus intéressant. Il y a un truc pour faire du benchmarking, un petit truc qui te permet de faire quelques macros dans ton code et ça te sort en gros des flame graphs dans le système de flame graph de Chrome. Du coup ça c'est plutôt pratique. Il y avait quoi d'autre? Il y avait du DNS où j'ai dérivé un peu, mais là on est plus trop en dev. Il y avait quoi d'autre? Non mais c'est marrant. Moi j'en reparlerai, on va retrouver plus tard. Non mais c'est marrant, on a vu un peu la maturité parce que moi je me souviens de la track Go qui était dans une toute petite salle de TD, mais alors vraiment vraiment toute petite, il y avait genre au maximum 30 places à l'intérieur. Ah ouais non, là c'était, il y avait je pense 200 places et t'avais à chaque fois une cinquantaine voire une centaine de personnes dehors à attendre. Ouais. C'était incroyable. Donc on a vu vraiment la montée de Go en fait et je pense que Rust en fait est un peu dans le même cas, c'est que t'as réussi à rentrer et puis dans quelques années on aura l'espèce de maturité énorme C'est ça qui est sympa au FOSDEM, c'est que tu vois vraiment les trending topics quoi, naître et mourir enfin mourir entre guillemets. Attends, par exemple, du Perl, par exemple, par exemple, cette année, il n'y avait pas du tout de track Ruby. Ça n'existait pas au FOSDEM. Ah oui. J'ai vérifié, il n'y en a plus. Alors, j'y suis pas allé en 2018, mais j'ai fait 2015, 2016, 2017. Et autant que je me souvienne, il y avait à chacune de ces années-là, il y avait une track Ruby. Et cette année, j'en ai pas vu. Donc peut-être que je l'ai loupé, je sais pas, mais en tout cas, j'en ai pas vu. Non, mais c'est bien. Enfin, voilà, t'as la PHP. C'est pas pour autant que le Ruby est mort, mais en tout cas, c'est plus un sujet très suffisamment porteur. La PHP, il y en avait pas? Je sais pas. Si, non, si, PHP, PHP, PHP, je pense. Non, mais à chaque fois, il y a du Perl aussi. Et pourtant, ça fait des années que. Ah, Chameau est toujours vivant. Il y a le stand Perl avec toujours les mêmes personnes sur le stand Perl. Et ce qui est marrant, c'est qu'il est juste à côté de Python, quand on peut connaître un peu les animosités, enfin, animosités entre guillemets, mais les rivalités qu'il y a entre les gens qui font du Python et du Perl. C'était assez rigolo de les voir l'un à côté de l'autre. Non mais c'est j'avais pas du tout noté la présence, enfin la non présence plutôt de Ruby là-dessus. Et non, c'est assez pas étonnant, mais ça révèle qu'il y a des bêtises. C'est marquant quand même, parce que quand tu sais que il y a quand même des outils de config management assez marquants comme Puppet, Chef et d'autres pour pas les citer, qui sont faits en Ruby, ne pas les voir parce que ce sont quand même des outils. Il y a à la fois toute la stack Rails qui est pour le développement, puis ils ont aussi réussi à mettre un grand pas dans toute la partie opérationnelle, automatisation. Donc ne pas les voir nulle part, c'était assez, c'est quand même remarquable. Bah justement, à mon avis, donc là, enfin, à part si quelqu'un a quelque chose à redire sur le développement, mais on peut partir un peu sur le reste. La non-présence des configurations de management, j'ai l'impression, en tout cas, dans les choses assez marquantes, en tout cas. Là, t'as parlé de Puppet, Chef, etc. J'ai pas l'impression qu'il y ait eu des choses très... Enfin, il y avait pas de conf ultra ouf, sauf une pour, en tout cas, à mon sens, MGMT ouais. Qui est donc un nouveau config management qui est codé en Go, d'ailleurs. Pour le coup, qui est codé en Go et qui est dingue. Alors, je vais rappeler très très vite, en tout cas, de ce que j'en ai compris. C'est c'est un configuration management sous forme de graphe. Donc, en gros, l'arbre de dépendance est fait en forme de graphe et arrive à toujours... comment dire, je perds mes mots, mais en fait il convergera toujours, c'est-à-dire que si jamais vous supprimez un fichier et que c'est dit que le fichier doit être présent, en fait c'est pas, vous dites pas je dois créer le fichier, vous dites juste le fichier doit être présent, et ben instantanément MGMT va le recréer, mais genre tellement instantanément que quand vous faites rm et il y a point virgule 4, juste le temps que le bash puisse spawner la nouvelle commande 4, le fichier a déjà été recréé. Donc en gros, le système est entièrement géré là-dedans et c'est plus le temps d'un run tous les 30 minutes dans un cron qu'on va avoir une convergence. On a une convergence instantanée, un peu à la Kubernetes en fait, enfin, avec un système déclaratif plutôt qu'un système impératif. Bah oui, alors après ça peut dépendre de plein de choses, mais enfin si je prends l'exemple de Puppet aussi, c'était plutôt déclaratif par rapport à d'autres ou tooling où tu préférais ordonnancer tes choses et savoir ce quoi faire. Mais oui, je pense plutôt que MGMT il se base sur tout ce qui fait la force de cube, c'est-à-dire une loupe de réconciliation très très très rapide et efficace, parce que justement en Go t'es compilé et t'es très proche de ton OS, et ensuite un système événementiel qui est aussi assez monstrueusement efficace, je dirais. Mais oui, je crois avoir compris en fait que tu pushais les catalogues déjà précompilés à tes agents et que les agents justement en boucle se branchaient sur des événements kernel avec la même chose que utilise Sysdig. Inotify, etc. Ouais, et tout pour ce genre de choses là. Mais en effet, du coup, ça rend une réactivité impressionnante. Il y a un gros intérêt cette réactivité, genre à la microseconde. Par rapport à un Puppet, on va dire, qui run Complètement. Dans la demi-heure, on va dire, ou même dans la minute. Alors, il y a un intérêt immédiat qui est ta sécurité. Est-ce que tu as envie d'avoir 30 minutes de non-sécurité? Si jamais quelqu'un touche à ton authorized key ou n'importe quoi, etc. Donc déjà, ça, c'est un intérêt fort. Bon, enfin, ça aussi, tu fais des conneries très très vite aussi. Hein. Ah non, mais bien sûr. Mais on pourrait reciter le DevOps Borat, hein. DevOps is the way to automate shit. Hein. ouais, carrément. Non mais c'est bien sûr. Enfin, on a ça. Enfin après on va pas aller trop loin dans les MGMT, mais l'intérêt que t'as pour moi en tout cas, c'est le côté déclaratif. Alors déjà le côté déclaratif, ça permet que les ressources soient, la plupart de tes erreurs sont compilées. Enfin c'est-à-dire qu'en fait comme dans le code, la différence entre je pousse un truc en prod non compilé et puis ça me foire complètement tout par rapport à quelque chose de compilé. La plupart de tes erreurs vont remonter vite en fait. puisque tes ressources sont pas exécutées complètement à l'arrache sur le serveur au moment du run, c'est-à-dire au pire moment. Donc tu as cet intérêt là déjà. Et ensuite l'intérêt d'être en notify immédiat, c'est que tu essayes de te rapprocher le plus possible d'un système immutable. C'est-à-dire que au lieu d'avoir du snowflake avec un truc qui part complètement en vrille entre deux runs, ça fait un peu n'importe quoi et puis des fois ça marche, des fois ça marche pas. Là t'as quelque chose où en fait l'état est probabilistique, complètement enforcé. Donc moi c'est ça l'intérêt que j'y vois. Après, comme on disait un peu au début, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une énorme perte de vitesse des outils de configuration management. Depuis l'émergence de Kube, au profit de l'immutabilité, etc. Quoi, finalement. Du fait de l'émergence des containers et de l'immutabilité, je pense que c'est plus ou moins logique que ça perde en vitesse sur tous ces outils de configuration management. Et donc là, justement, si vous deviez revenir là-dessus, donc qu'est-ce que vous avez vu en Kube, dans tout cas cet écosystème, parce qu'il y avait quand même une track container, il y avait une autre track Inframanagement, ouais. Mais du coup, c'était pas config management, c'était infra. Ouais, voilà. C'est une petite nuance qu'il faut souligner, parce que du coup, les topics dedans, t'avais bare metal configuration, t'avais gérer les machines virtuelles, enfin, du coup, oui. Ça a été un grand fourre-tout quand même. Ouais, non, mais c'est vrai là-dessus. Et donc là-dessus, qu'est-ce que vous retiendrez sur cette partie-là en particulier? Il y avait pas mal de retours à la gestion du bare metal. Enfin, moi, par contre, c'était un sujet qui m'intéressait, donc j'étais peut-être un peu plus attentif à ce genre de ce topic. Mais il y avait forcément beaucoup de sujets autour de Kube. Par contre, moi, j'ai cru voir que deux seuls talks vraiment des contributeurs Kube et qu'on a annoncé des nouveautés qui allaient s'intégrer. Genre, moi, je peux noter les upcoming storage features qui étaient super intéressantes. Mais bon, c'est une lecture de changelog pour les prochaines versions. Voilà. Sinon, j'ai pas grand chose qui m'a vraiment marqué cette année-là. Alors, moi, ce que j'ai vu, c'est tous les outils, en fait, maintenant, sont quasiment obligés de dire qu'ils sont Kubernetes natifs. Ah, bah oui. Et notamment je pense avec Victor, celui qui nous a le plus branché de tout le week-end, etc., c'est Loki. Donc Loki, pour faire très simplement, c'est l'espèce de Prometheus pour les logs, globalement. C'est-à-dire un stockage simple des logs et un stockage surtout qui scale facilement avec une façon simple d'aller récupérer les logs. Voilà, donc n'espérez pas un gros groc des familles sur votre log stash, etc., pour pouvoir aller faire des choses compliquées sur vos logs. C'est vraiment du stockage de logs pur, simple. Voilà, avec une ligne par ligne de log et pas de vous faites un gros grep dedans. Voilà, imaginez des fichiers de log complètement tous mis au même endroit et pour faire simplement du lien entre les événements. Et une grosse compression aussi, je crois. Non, voilà, une grosse compression. Alors j'ai regardé un peu le code justement parce que je suis allé voir un peu, je me suis un peu demandé comment était faite la compression. En fait, c'est une simple compression zlib, mais vu que le texte est vraiment juste simplement mis tous au même endroit, en fait la compression sur le texte, ça marche vraiment super bien. Ouais. Donc voilà, je me suis demandé après est-ce que j'allais faire une PR pour mettre du Z standard dessus, voilà, compression Z standard avec un dictionnaire qui s'auto-apprend des logs qu'on y met, etc. Bon voilà, je me suis un peu trippé, voilà, comprendra qui veut, ceux qui connaissent bien le protocole Z standard, mais voilà, mais en tout cas ouais, Loki était et c'est assez marrant parce qu'en fait c'est présenté, donc c'est fait par Grafana Labs, donc les gens qui font Grafana globalement, et au final c'est vraiment quelque chose qui est purement orienté Kubernetes, c'est-à-dire comment s'intégrer dedans, c'est-à-dire comment récupérer tous les logs d'un pod. Vous pouvez l'utiliser pour quoi que ce soit d'autre, mais c'est fait pour récupérer les logs d'un pod. Voilà. Et c'est fait pour s'utiliser conjointement avec Prometheus, surtout, puisque tu es censé appliquer les mêmes labels que tu appliques sur tes métriques et sur tes logs, comme ça tu peux les voir vraiment côte à côte. Voilà, et comme Grafana récupère le Prometheus et récupère le Loki, ouais. Vous pouvez faire des dashboards qui mélangent à la fois métriques et à la fois log sur une même interface, donc si jamais vous avez besoin d'avoir des choses comme ça. Je ne sais pas, est-ce que vous avez vu d'autres choses là-dedans, dans cet écosystème-là, Kubernetes? Moi, dans la room container, et ça touche peut-être pas forcément directement à Kubernetes, mais une track que j'ai bien aimée, c'était la communauté OpenSUSE qui présentait un OS qui du coup vient se frotter à CoreOS et à Atomic, qui s'appelle Oreo Micro OS. Et ils ont pris un parti quand même de pas shipper Docker. Ils ont pris tous les autres outils qui ont été développés autour, donc à savoir Builda pour toute la toolchain de build, Podman pour justement ensuite la génération et la gestion des conteneurs sur l'OS, et Cryo du coup en tant qu'interface plutôt qu'avoir le Docker daemon. Et c'est assez intéressant et assez séduisant. Ils sont par contre après basés essentiellement comme CoreOS, c'est-à-dire un rootFS qui est en read-only et des partitions qui s'update de manière atomique. Donc ça c'est plutôt cool. Par contre OpenSUSE c'est drôle parce que c'est quand même un projet, enfin une communauté en général qui fait plein de projets. Ils ont un système de build qui est open, ils ont plein de trucs qui en fait ont l'air vachement bien et orientés pour l'entreprise. Par contre, c'est pas vraiment utilisé dans nos contrées françaises et américaines ou ailleurs. Alors, en fait, j'ai l'impression que hormis en Allemagne, personne connaît vraiment OpenSUSE. Alors, enfin, le problème qu'on a, c'est on a déjà parlé mille fois, hein, c'est qu'en France, au-delà de Debian et un tout petit peu RHEL, CentOS, ça y est, t'es mort. Hein. Enfin, t'as rien d'autre dans le paysage. Hein. Oui, bah aux US, c'est la même chose. Hein. Ah oui. Non, il y a un peu du Gentoo parce qu'ils aiment bien, mais OpenSUSE, ça dépasse pas beaucoup l'Allemagne. Hein. Ouais, ou les pays satellites entre guillemets. Bref, je ne dirais rien. Cet outil m'a vachement plu parce qu'ils viennent avec du vanilla. Ils ont le cube en 1.13. Ils te proposent justement la fédération avec le cube ADM. Enfin, non, pas de fédération, mais la constitution de ton cluster, tout un bootstrap avec cube ADM. Et non, c'était vraiment bien foutu. Ce qui est plutôt cool quand on sait que cube ADM avec CoreOS, voilà. C'est un peu touchy. Ouais, ça je me souviens, j'avais dû bidouiller un installeur CubeADM sur CoreOS. Mais t'étais le mainteneur d'ailleurs, mais devenu le mainteneur du projet OpenSUSE. C'est ça, ouais. Viens là, je vais me prendre une issue dans la tronche, il va falloir que je jette un coup d'œil alors que je fais pas de CoreOS. Toujours pas, putain, j'en peux plus. Bon, donc voilà. Ah non, tiens, un truc mindfuck. Quand on parlait de config management et de cube, j'ai vu Kubernetes Ansible Operator. Ah oui, non, mais attends, ce truc-là, je l'ai vu aussi cette semaine. Mais tu l'as vu au FOSDEM. Ouais, ils l'ont présenté au FOSDEM. Et il semblerait que ça a été présenté à une Ansible London DevFest de la semaine d'avant. Non, mais pourquoi? Voilà. What? Alors, ce truc-là, j'ai pleuré intérieurement quand j'ai vu ce truc-là. Enfin, leur propos à eux, c'est de dire que Ansible, c'est un outil abordable et approchable parce que c'est une description en YAML et des modules que tout le monde, enfin, en tout cas, qu'une vaste majorité connaît et sait utiliser. Et du coup, ils se sont dit, on va nous créer un opérateur pour réagir sur les événements de Cube, mais on va vous laisser implémenter les actions en Ansible. Et c'est ça leur motivation. Je prends pas parti. Non, je plaisantais. Non, mais c'est vrai, donc j'avais vu cette réaction aux événements et d'avoir quelque chose de plus simple pour réagir à des événements. Si jamais ça permet aux gens de travailler plus sur vraiment ce que peut apporter Kubernetes par rapport à toute la merde qu'ils ont habituellement, qui n'a absolument aucune gestion d'event, etc. Non, ça peut. Mais ça peut ouais, en fait, le point sur lequel ils insistent, eux, c'est que Ansible, par exemple, ça a pas mal de modules qui permettent d'interagir déjà avec des API externes d'autres projets. Genre, si à un moment donné ton cube réagit, mais toi tu dois spawner un RDS quelque part ou tu dois t'interfacer avec autre chose, c'est pas. En fait, eux, quand ils visaient Ansible, c'était pas forcément en l'outil de config management d'un host dont il parlait, où en effet, là, ça a assez peu de chances de matcher avec le concept du scheduler de Cube, c'était plutôt avec la capacité de pouvoir créer des actions autour du cluster Cube. C'est-à-dire, ah bah tiens, il faut que je mette à jour l'API qui est sur mon F5, les routes qui sont sur mon F5 qui est pas encore cloud native, il faut que j'aille scheduler un reboot ou un sync des autres trucs qui sont pas cloud native, donc qui ont pas forcément d'API. Donc j'utilisais ça en fait, les modules qui sont capables d'interagir avec un système distant. Donc dans un mois, on a l'opérateur Terraform. C'est pas, hein, faut voir HashiCorp, ils ont déjà fait l'opérateur et peut-être pas d'opérateur, mais une intégration avec Consul, avec Vault, let's see. Hein. Donc opérateur Terraform qui va arriver, je le sens. Non, mais c'est très bien, enfin, ça peut, si jamais ça permet de développer plus facilement des opérateurs et le pattern qui va avec, etc., bon, deal. J'ai pas plus de problèmes avec ça. Super. Je vais prendre déjà, on a une question sur le chat. Oh, en good direct. Good. Voilà, je vous ai laissé parler avant de poser la question. Mais la question, c'est PHP, c'est mort pour vous? Point d'interrogation. Ah, maintenant, il y a encore une track au FOSDEM. Pas comme Ruby. Oh. Oh. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas assez mort. Alors, à propos de PHP, j'ai vu un truc. Parce que Facebook, ils ont leur truc là, HHVM, qu'ils avaient fait pour faire tourner à la base du PHP dedans, sauf qu'ils sont partis avec leur propre langage qui s'appelle Hack. Et là, j'ai vu qu'ils allaient sortir la version 4 et qu'ils droppaient le support de PHP dans HHVM. Donc la version 4 ne sera plus officiellement compatibles avec leur propre langage. De toute façon, ils étaient faniqués, ils avaient des performances qui étaient moins bonnes que celles que PHP 7. Donc c'est peut-être pour ça aussi, hein. Peut-être qu'ils n'ont pas eu le choix au final et qu'ils ont continué dans leur voie. Donc si tu fais du hack à Facebook, bah, t'en feras jamais ailleurs. Oh, ça va, si tu fais de l'achat VM ailleurs. Si tu fais de l'achat VM ailleurs, mais j'en doute quand même. Ouais, bon. Bref. Alors, heureusement, les gens sur Facebook ne font pas que du hack. Ça, on le sait. Non, mais le PHP, sincèrement, le PHP, tout le monde crache dessus, mais c'est quand même utilisé encore un oui, peu c'est partout. Oui, c'est pas un truc, c'est pas la moitié du web, un truc comme ça. Enfin, c'est un truc genre monstrueux. Et de ce que j'ai compris, la dernière version, en plus, avait des perfs qui étaient corrects, qui étaient pratiques, et genre, ils ont quand même des frameworks monstrueux. Donc, ça me fait mal à dire, c'est qu'il y a des use cases pour, mais... Il y a un mec au FOSDEM qui a fait l'analogie du serverless avec PHP. Oui, exactement. Parce qu'en fait, le modèle même de PHP, c'était un modèle d'event en CGI et que c'est du serverless. Quoi. Enfin, en fait, c'est exactement pareil. Une requête n'est complètement autonome, est exécutée et renvoyée. Et puis, le truc, on n'a rien à foutre du reste. Bah après, ça peut le retour à la base. Parce que c'est pas le PHP, c'était pas un vieux plugin Apache à la base, un truc dans le genre. Hein. Alors, même pas ça, non. C'était juste un truc pour générer des pages perso. Dans la doc de PHP 2.0, il y a marqué « Surtout ne l'utilisez pas pour faire des vraies choses avec ». Non. Enfin, c'est assez marrant. C'est marrant, je savais pas ça. La doc de PHP 2.0, tu peux regarder, il y a marqué surtout l'utilisez pas. J'ai commencé le PHP, c'était déjà PHP 4. Ouais, non, mais PHP 2, on remonte à des trucs, je crois que c'est encore dans les années 90, hein. Enfin, largement même. Donc, bon. En fait, à la base, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. PHP Hypertext Processor, c'était comment générer des liens de manière dynamique, un peu mieux que ce qu'on pouvait faire avec de l'HTML, hein. Enfin, c'est vraiment. Enfin voilà, mais en tout cas, oui, maintenant on voit. Ah, d'après l'historique de PHP, donc vas-y, je vous fais le monsieur Wikipédia, c'est parce que le mec, déjà, on pouvait plus de Perl. Donc il a écrit PHP. Voilà, on a encore un troll contre Perl. Sachant qu'on a vu un talk aussi qui s'appelle Perl 11, enfin on a vu qu'il existait. Alors Perl 11, c'est la réunification de Perl 5 et 6. 5 plus 6, ça fait 11. Super. Donc bon voilà, pour qui connaît tous les FOSDEM de tous les ans depuis 10 ans où tout le monde disait Perl 6 c'est pour dans 2 semaines j'avais promis vu. Et tous les ans c'était pour dans 2 semaines enfin, j'avais vu le talk de Larry sur Perl 6, l'introduction de Perl 6, c'était la messe dans l'immense amphi Johnson au fond de Janson pardon, pourquoi je dis Johnson, n'importe quoi, Janson au fond du campus, merci, je vais y arriver. Voilà. Ah, mais oui, enfin, Perl 6 ça a été l'Arlésienne, presque autant que Duckneken Forever. Enfin, c'était. Plus PHP 6 qui n'est pas sorti. Oui, oui. Ils sont passés de 5 à 7 direct en mode allez, c'est bon. Donc voilà un peu la réponse à la question en tout cas sur PHP qu'on avait en direct. Donc, alors rassure-toi, on n'en fait pas. Enfin, est-ce que quelqu'un ici fait du PHP? Non. Non, mais on a déjà lu du PHP. BlaBlaCar fait du PHP ? Ouais, c'est full PHP, BlaBlaCar. Mais je crois pas que ce soit une bonne référence, mais bon, après, c'est chacun son avis. Ça reste une start-up de référence, c'est un produit utilisé. Une start-up. On a un tiers de notre legacy qui est en PHP, quand même. Enfin, qu'on essaye de faire disparaître, mais... Non, mais en tout cas, à chaque fois, c'est du legacy. Enfin, y a personne qui se dit aujourd'hui, tiens, je vais faire une boîte cool en PHP. Si non, Slack, en effet, c'est plus forcément les... Et c'est ça le pire. Comment c'est du PHP, Slack, c'est Slack, PHP. C'est entièrement PHP, ouais. Eh, comme quoi? Tristesse. Ah non, c'est la tristitude. T'as vu la scalability? Non, mais ouais, mais c'est la tristitude totale, mais ça marche. Enfin, c'est ça le pire, en fait, en PHP, je pense. Mais bon, voilà. faites du PHP si vous en avez envie, mais surtout faites pas d'API. Enfin, les API en PHP, c'est, enfin voilà. Le fait qu'on puisse pas se faire de bons HTTP en PHP. Enfin, ça veut dire faire une requête HTTP via PHP. Enfin, c'est immonde. Mais voilà, non, c'est bien pour du serverless, c'est bien pour des choses comme ça. Franchement, je pense que ouais, PHP, revenir au serverless grâce à du PHP, c'est cool, mais ne faites pas des trucs compliqués. Non, mais il y a plein d'autres langages aussi pour le serverless. Hein. Ils font du Go, ils font du... Bah, du Node, des choses comme ça, par exemple, ou n'importe quoi. Enfin, c'est vraiment un contexte assez cool. Il y a eu un paquet de benchmarks sur GitHub là-dessus. Hein. Il y a des bons trucs à regarder. Donc voilà un peu notre réponse sur PHP. Et ça va nous permettre de faire la transition, de finir un peu sur le code, l'ops, etc. Et de passer un peu au truc, la rubrique un peu what the fuck. Enfin, en tout cas, tout ce qu'on a vu qui ne peut pas aller ni dans l'ops, ni dans le dev. Moi déjà, il y en a un, parce que ça me tient à cœur. C'est la critique du code de Kubernetes. Ah, ça fait plaisir à voir. Enfin, ah oui, de Clusterfuck, je me souviens plus du titre, mais... Ouais, non, mais c'était... enfin voilà, enfin moi je touche au code de Kubernetes depuis déjà un petit moment, enfin toucher dans le sens le regarder un peu dans les yeux et voir un peu ce qui se passe avec, faire des opérateurs, etc. Et pour qui a déjà touché au client Go, rien que le client Go de Kubernetes, c'est complètement brainfuck. Et donc la nana qui présentait cette partie là a fait la genèse déjà de Kube. En rappelant que c'était un projet Java à la base et que ça a été réécrit en Go. Ça a été réécrit en Go, mais avec les mêmes personnes, hein, donc les mêmes conneries. Avec les mêmes conneries dedans, avec des générateurs de je sais pas quoi. Pseudo objets, alors que voilà, c'est un concept alors. Qui est pas vraiment là en Go, quoi. C'est ça. Ça c'est souvent le truc. Tu vois ça quand il y a des mecs qui étaient en Java et qui passent en Go. On a déjà croisé ça. Souvent, c'est rarement joli. On veut les noms. Non, absolument pas. Mais oui, enfin, le code, bah d'ailleurs, le client Go de Kubernetes, il est dans le code, dans le vendor de Kube, et il y a un automagique script qui mirror régulièrement entre deux repositories, etc. Enfin, on sent les gars qui faisaient du monorepo et qui savaient faire que ça et qui étaient complètement à l'est. Ouais. Ils essayent d'en sortir de tout ça aujourd'hui, mais c'est très compliqué parce que... De Kube, enfin, pas Google. Hein. Non, Kube essaye de sortir tous les gens qui sont... ils essayent de sortir petit à petit les modules du monorepo, etc. Mais c'est super compliqué parce qu'il faut assurer la compatibilité. Non, mais c'est un enfer. Le monorepo de Google éclate... complètement en général, j'ai l'impression. Enfin, j'ai cru comprendre qu'il y avait plusieurs autres projets qui sortaient aussi du monorepo parce qu'ils en avaient juste trop marre. Là. Et il y a même eu un tweet dernièrement là d'une nana qui bosse ou qui est responsable du monorepo chez Google et qui avait tweeté un truc du genre c'est quoi ? C'est monorepo just don't work, un truc comme ça. Et bref, c'est oui, même. Même ouais. Google. Ça me dit quelque chose. Je crois que ça a fait un peu de bruit ce truc-là. Ils sont coincés dans leur merde maintenant. Et ça a tellement pollinisé le reste de la stack. Enfin, en fait, ils ont développé un tas d'outils de malades tout autour. Enfin, le Bazel. Bazel, enfin, qui s'appelle Blaze chez eux, mais qui a été open sourcé sous le nom de Bazel. Bon, ça va, on arrive à faire la parenthèse assez facilement. Mais ils ont développé des outils vraiment pour enforce le monorepo et continuer à bosser avec. Mais ouais, maintenant, les coups perdus. Plus perdu, ça va et ouais. moins ça fonctionne. Quoi. Mais s'ils y arrivent, à la limite, enfin, je m'en fous. Moi, le problème, c'est que quand ils se mettent dans un projet open source, ils font n'importe quoi. Enfin, c'est ce qui s'est passé, par exemple, sur kubectl, en fait, où au moment de le retravailler, est-ce qu'on essaye de le réécrire en entier, à côté, en utilisant les vraies API, au lieu d'être complètement plugué au code de Kubernetes. Qui s'appelait kubectl d'abord. De kubectl avant qu'il le réécrive. Non, mais en fait, ils l'ont pas réécrit, justement. Ah bon? Non, le kubectl, ils voulaient le. Non, mais là, je parle vraiment très, très récemment. En un kubectl 2, ou en quelque chose comme ça, avec son propre repo, avec son propre tout, etc. Et en fait, non, il reste encore complètement lié au code de kube. C'est ce qu'elle expliquait dans son talk. Elle disait que dans le repository kube, il y avait 22 main. Enfin, 22 package main à l'intérieur du repository Kubernetes. Hein. C'est complètement immonde à toucher là-dedans. Enfin, pour avoir fait moi déjà un opérateur où j'essayais d'importer le code de kubeadm, code de kubeadm avec dep à l'époque. Alors j'ai pas essayé avec GoModule, mais alors connaissant le bordel que c'est d'importer ça avec dep, l'arbre de dépendance, je mettais 35 minutes sur mon PC. Ok, c'était peut-être pas une foudre de guerre, mais c'était 35 minutes. J'étais en hackathon, j'avais le temps d'aller boire, manger, faire de la PlayStation, etc. avant de réussir seulement à avoir mon arbre de dépendance dep s'il n'avait pas planté. Et enfin, c'était complètement immonde de toucher, enfin, importer le code de Kube est devenu immonde et obligé de coder à l'intérieur du code de Kube. Enfin, c'est complètement. J'avais déjà entendu parler de ça, ouais, de gens qui disaient que Kube, ça avait beau être un outil génial, etc., en termes de concept. Au final, quand tu voulais te mettre à développer dessus, tu galérais parce que le temps de comprendre la base de code, déjà, ça prenait un temps, mais phénoménal. Le coût d'entrée était juste monstrueux et ça décourageait pas mal de gens de s'y mettre. Ouais, en tout cas sur le développement, sur la contribution, pas sur l'utilisation, vraiment sur la contribution. Voilà, ouais, c'est quelque chose oui qui est vraiment voilà, moi c'est quelque chose que j'avais déjà ressenti, donc je parlais assez régulièrement en tout cas entre nous, enfin je me souviens mais je me sentais un peu seul en fait à avoir ça et donc j'ai trouvé ça assez cool que quelqu'un en parle, enfin voilà, le monorepo shit, ça fait des années et des années que je suis complètement, enfin en tout cas personnellement je vois toutes les limites d'une monorepo à un usage quotidien, que ce soit une mauvaise réponse à un vrai problème, et c'est bien que maintenant ça commence à apparaître et que les langues se délient. Alors attends, tu peux définir le problème du coup? Alors le problème c'est que beaucoup de développeurs savent pas gérer les versions. Voilà, le problème, c'est que le versionning, c'est compliqué. Alors, bah, le monorepo, c'est... et si d'un problème compliqué, on faisait juste pas de réponse. Et c'est un peu ça, le monorepo. Et c'est de la merde. Enfin, c'est pas du tout une réponse, puisque, bah, on l'a dit plein de fois, c'est genre, quand tu gères pas tes versions, bah, tu gères pas non plus bien ton déploiement. Ça veut dire que tu gères pas ta backport compatibility entre tes logiciels, parce qu'ils ont beau tous importer la même librairie, ils seront pas forcément déployés en même temps, etc. Enfin, bref, c'est une réponse de développeur à un vrai problème qui est sur toute ta stack. Pour moi, le monorepo, c'est une vraie optimisation locale pour des développeurs et absolument pas une, en tout cas à mon sens, une réponse DevOps, c'est-à-dire en prenant toute la chaîne de dépendance et toute la chaîne de provisioning dont il y a besoin. Enfin, c'est vraiment, il y a un vrai problème, dans le sens problème, quelque chose à résoudre en tout cas, ou en tout cas qui a besoin de solutions. Et il y en a des solutions, enfin, tout ce qui est le versionning, le semver, plein de choses comme ça, etc. Et le monorepo est clairement une mauvaise solution, enfin, à mon sens. Après, je suis le premier à être contre le monorepo, mais il y a un truc que, là, c'est un petit exercice pour moi, hein, c'est un effort même. Je vais essayer de défendre un poil le monorepo, mais surtout pour les startups. Le monorepo, ça a quand même quelques avantages pour les startups. T'as une codebase, on va dire, qui est très centralisée, tu peux mettre très facilement en commun, et souvent les startups vont beaucoup avoir en commun, vu qu'ils ont peu de code, du coup ils ont peu de différences. T'as qu'une seule CI, t'as qu'une seule CD, tu fais un... Bon, c'était en Go, c'est tu run tes tests, ça prend 30 secondes, y a pas de souci. C'est un gros avantage. Bon, après, je reviens très vite, dès que tu grossis... Plus tu grossis, plus ce sera la merde. Mais ouais, parce que de 30 secondes, tu vas passer à 10 minutes et tu vas passer à 20 minutes. Et à mais du coup, est-ce que tu peux en sortir facilement? Non, mais ta CI aussi, oui, il y en a qu'une, mais justement, il y en a qu'une. Enfin, elle devient compliquée, elle devient tout le monde la pète en permanence. Tu sais même plus si c'était ton commit à toi qui a fait péter un truc ou un autre, etc. Enfin, justement, la CI, il y en a qu'une seule et c'est ça le problème. Je suis entièrement d'accord. Donc en fait, non, l'argument pour une startup de il y a qu'une CI, c'est à l'heure actuelle, il y a plein. En fait, moi, je pense que c'est une bonne solution pour les CI, pour les boîtes qui veulent tout faire elles-mêmes et surtout pas utiliser des outils tiers. C'est-à-dire que quand faire une CI, ça te prend 3 jours d'un gars qui a pas envie de le faire, ouais, t'as envie d'en avoir qu'une seule. Mais si tu utilises un Circle CI ou n'importe quoi, quelqu'un qui te fait... En gros, c'est pour les gens qui savent pas optimiser leur ouais. coût. Et... Moi, je rebondirais là-dessus en disant que, en fait, ça, c'est un exemple sur un phénomène qui peut s'adapter, enfin, qui se présente dans toutes les boîtes. C'est à un moment donné, on va te dire, ah oui, il faut uniformiser, il faut mutualiser les efforts parce que avoir un seul, c'est plus simple. Alors, moi, peut-être c'est plus simple pour un esprit, pour essayer de se représenter schématiquement dans sa tête comment ça marche, mais à l'usage en vrai, étant donné que tu n'es pas tout seul à travailler, parce que tu es une équipe à plusieurs personnes, voire des fois plusieurs équipes, plusieurs départements, c'est vraiment compliqué. Et en effet, ne pas vouloir dire j'en gère qu'une, c'est pareil, c'est une solution... C'est une réponse moisie à un problème. C'est en mode, ah bah, si j'en ai qu'une, forcément, c'est plus facile à administrer que 5. Non, pas forcément. Si tu mets les bases en disant, voilà, j'administre les 5 comme ça et on partage des pratiques, ça marche tout aussi bien. Moi, j'ai un exemple très concret à vous présenter. À l'époque, chez Viadeo, on avait un truc comme ça et un jour, un seul et unique Jenkins pour configurer toute leur stack. On avait du Node, du Java, plein de trucs. Et un jour, ça nous est tombé dessus à l'équipe opérationnelle. En mode, vas-y, ça marche plus, j'ai besoin de toi parce que ça upload pas le package. Et un jour, on a dit, bon, allez, c'est bon, OZEF, on fait des Jenkins on demand pour chaque équipe. Ils étaient très contents de pouvoir configurer leur truc eux-mêmes. Alors certains se sont dit, non, c'est du temps perdu parce que d'un coup, telle personne a dû apprendre et à comprendre comment la CI fonctionnait. Ok, moi, personnellement, je trouve que c'est bien quand tu comprends quelque chose. Il y en a certains pour qui c'était de l'argent perdu parce qu'une personne a dû apprendre plus ou moins le taf d'une autre. Tu vois à 14h ou tu vois je sais pas quoi à ta porte, je sais pas la bonne réplique, mais bref, tu le vois dans le sens que tu veux. Mais au final, moi je trouve toujours mieux quand quelqu'un commence à prendre conscience de comment ça marche en dessous et qu'il est pas en train de dire tiens, shit, pour toi. Bon, on a un peu divergé sur le soin, mais non, mais c'est bien le même qu'on sujet. Des fois, on avait abordé le même sujet sur vaut mieux avoir un unique cluster mutualisé multi-tenant ou plusieurs petits. Non mais, enfin, en gros, moi, mon point, c'est que oui, c'est compliqué d'avoir plein de petites choses, surtout quand t'essayes de le faire toi-même alors que t'as pas les compétences, quoi. Enfin, moi, le problème, c'est l'auto-expertise que certains se donnent à la CI, etc., et qui, de leur fait, de leur non-expertise, font de la merde, en fait. Enfin, et trouvent des solutions complètement moisies à un vrai problème parce que juste ils sont pas bons. Enfin, en tout cas, c'est pas leur métier. Enfin, ouais, mais il y a aussi d'autres trucs historiques. C'est que justement, pour avoir été dans des boîtes ou en interne où tu devais faire la CI, c'est qu'en fait, on considère que puisque t'es en interne, tu peux prendre des shortcuts, des trucs immondes qu'après tu vas mettre des années à te défaire, mais qu'il a fallu faire maintenant parce que tu comprends, on n'a pas le temps. Alors que si t'avais pris un truc en mode SaaS, où les mecs t'auraient dit le contrat c'est comme ça et ce sera pas autrement, t'aurais dû te plier à faire des choses proprement un peu plus tôt. Et ça, moi, je l'appelle tout le temps l'immensité des coûts cachés opérationnels. Ouais. C'est d'un coup, t'as fait un hack comme ça qui te sauvait la vie, et après, tu mettras 10 ans parce qu'en fait, c'est un lien caché à droite à gauche qui a mis une dépendance entre 3 projets. Etc. C'est la conséquence du not invented here. Quoi. Enfin, c'est même pas forcément. Là, c'était plus de bah tiens, vas-y, on le fait nous-mêmes comme ça, ça ira plus vite. Oui, plutôt que de dire ah bah non en fait la façon propre, et si j'étais sur du Travis ou du Circle, je peux pas faire ça, je peux pas faire mon petit bash à la con qui va passer les 3 projets d'un coup. Oui, tu peux pas, mais c'est pour une raison que tu peux pas. Non, mais je suis d'accord. Bon, après vous avez vu d'autres choses. Tiens, Jérôme, je sais que t'as vu un talk que t'as bien aimé. Donc, ah oui. Ouais, ben moi c'est le, ben, ça a rien à voir avec le Schmilblick. Ah mais justement, c'est ça le but. On est dans la partie what the fuck. Vas-y. C'est le talk sur Tesla en fait. Quelqu'un qui a réussi à hacker Tesla. Enfin Tesla. Et son but en fait, son projet, c'est Freedom EV. Et le but en fait, c'est d'apporter aux gens des compléments logiciels entre guillemets sur leur voiture électrique. Donc là, il a une Tesla, enfin une grosse communauté de Tesla sur les voitures électriques. Donc ce qu'il a fait en fait, c'est que bah déjà il a réussi à passer route sur sa Tesla. Lui, c'est une Model X qu'il a. Donc c'est un truc que j'aurais jamais pensé entendre. Tellement pas. Passer route sur ma Tesla. Quoi. Mais surtout, je précise, c'est une Model X, donc c'est la plus chère. C'est pas la plus grosse capacité. J'ai routé ma Tesla, quoi. C'est assez balèze. Et donc du coup, il explique pas comment il a fait, mais en gros, il explique que si vous voulez le faire, il faut trouver un centre de maintenance agréé et puis être copain et pouvoir aller déposer un binaire sur l'ordi quoi de la bagnole. Et il arrive à faire un truc assez sympa avec un dongle USB que la voiture va détecter. Il y a un script qui va détecter que le dongle USB est mis en place et ça active un menu dans la voiture. Et pareil, c'est assez marrant là. Il montrait une petite vidéo de comment il a fait, où il est avec un switch dans la bagnole. En gros, tous les composants de la voiture sont reliés en Ethernet. Donc c'est un Ethernet un peu bricolé. Est-ce que tu peux pas, faut bricoler le câble pour pouvoir te plugger dessus. Mais une fois que t'es dessus, en fait, t'as les IP des différents modules. Il explique l'écran avec les compteurs, c'est un ARM, je sais plus quoi. Et sur la grosse console centrale, c'est un autre ARM qui maintenant sur les nouveaux modèles, c'est un Intel. Mais enfin, en gros, ils ont tous la même IP. Il y a des fonctions bien définies avec une gateway. Il y avait moi, je me souviens plus exactement, mais enfin, du coup, il est vraiment rentré dans le système et en gros là, les fonctionnalités qu'il permettait d'avoir, là, c'était de faire un hotspot Wi-Fi, donc il en est au début de son projet, hein, et un mode shadow entre guillemets qui déconnecte toute la connectique externe de la voiture, donc elle fait plus de télémétrie, on voit plus la position. Enfin, c'est mode blackout. En gros, je veux aller quelque part et je veux pas qu'on le sache. Mais quelque part, c'est la liberté. Ça s'appelle Freedom EV, son truc. Et c'était assez sympa. Après, ce qu'il disait, c'était qu'en gros, pour interroger Tesla, en fait, la seule garantie qu'on peut faire sauter, parce qu'on peut se dire, je vais faire sauter la garantie de mon véhicule. En fait, la seule garantie qu'on peut faire sauter, c'est une garantie d'une carte mère, en gros, de la carte mère de la bagnole. Donc, ça peut coûter cher, mais c'est pas non plus toute la voiture qui va être sans garantie. Ouais. Donc, tu peux pas te prendre des poursuites pour avoir modifié ta Tesla. Non, mais après, ce qu'il dit, le logiciel en tout cas. Ce qu'il dit, c'est que lui, il veut pas s'opposer au business model de Tesla. Ça va pas être activer une option que Tesla voulait te faire payer ou les choses comme ça. C'est juste ajouter des fonctionnalités qu'il n'y aurait pas eu. Et je crois qu'il avait montré un petit tweet où Elon Musk était content de faire un projet là-dessus. Elon Musk qui réagit à tous les tweets. Mais presque. C'est clair. Après, là, pour l'instant, il est centré sur Tesla, mais le but de son projet, c'est de s'adapter à n'importe quel véhicule électrique. Donc, t'es en train de conduire, tu bidouilles sur ton téléphone avec genre t'as routé ta bagnole, tu conduis, tu t'amuses à faire des conneries, tu t'amuses à lancer un nouveau petit plugin que t'as codé et sans faire exprès, t'es en train de faire une faute, enfin une faute ou une fausse faux réseau, une connerie, et tu peux trigger déjà les freins à main, et en plus t'es quand même assuré. Alors, en fait, quand tu... Quand t'es au volant, je te rappelle que normalement, c'est déjà interdit, même dans une voiture... Normalement, les systèmes de sécurité sont complètement indépendants du reste, en théorie. C'est ce qu'il expliquait, en fait. Que tu peux être sur la route et bah, utiliser Freedom EV. Il a déjà eu le... Il était en train de conduire et l'ordinateur de bord a rebooté et... Le système multimédia ordinateur de bord ne peut pas être interfacé, enfin je veux dire ne peut pas être un composant essentiel de la voiture. Tous les composants vitaux de la voiture et tout ce qui est élément de sécurité doit être complètement indépendant du reste. C'est pas possible de faire autrement. Okay. Sinon ta voiture elle est juste pas homologuée. Ouais, ben je trouvais ça un peu étonnant aussi parce que une bagnole tout connectée comme ça, j'ai tendance à me méfier. Enfin, étant développeur, j'ai vu la gueule. J'ai vu à quoi ça ressemble l'informatique et franchement, je monterais pas dans une bagnole comme ça. Moi, j'ai déjà vu. Il y avait une série de tweets qui était parue sur Tesla sur comment c'était foutu à l'intérieur. Il y en a qui disaient un gars qui était parti en fait de Tesla. Un gars qui est parti de Tesla. Ingénieur de développement. Et juste la plainte sont. C'est que c'était un gros bordel. Globalement, CentOS 6 ou je sais pas quoi dans les. Ouais, il y a de l'OpenVPN. En fait, toutes les voitures elles sont connectées en OpenVPN. Ouais, les mises à jour c'était poussé en OTA en mode pop, je te pousse la mise à jour et t'as rien vu. Ouais, quasiment SSH. Enfin, c'était vraiment. C'était assez marrant. Ouais. Par contre, ils ne parlaient pas du modèle 3 qui avait apparemment été complètement refait. Toute la logique interne en tout cas était complètement refaite. Ah, c'est pas les mêmes soft entre les trucs. Alors, il y aurait utilisé toutes les premières, oui, mais je crois que le modèle 3 est vraiment un modèle à part. C'est vraiment. Mais ça qui est dingue sur ces bagnoles là, c'est que c'est vraiment des bagnoles qui évoluent. En fait, il n'y a pas une version. J'avais déjà vu ça aussi. Les Tesla, il n'y a pas une version de la bagnole. Chaque modèle, que tu la prennes maintenant ou dans 6 mois, même si ce n'est pas une V2 officielle, et ben en fait, le software a évolué, même le hardware a évolué. C'est vraiment une voiture évolutive. Quoi, qui, comme, en fonction de la chaîne de montage, comme le software maintenant, comme vraiment. Ouais, même la dernière fois, ils avaient fait, je ne sais plus sur quel modèle, ils avaient trouvé un. Je sais pas comment ils sont démerdés, mais à un moment ils ont dit bon les gars, on vous a poussé une update, vous avez gagné, je sais plus, 20 oui, oui. ou 30 chevaux, un truc comme ça. Non, c'était de l'autonomie, je crois. Ou de l'autonomie. En fait, ils ont fait. Ouais, c'est quand il y avait les gros incendies en Californie, je crois. Et en fait, ils avaient fait sauter un truc qui normalement te garantissait une réserve minimum de courant pour pas que ta batterie elle soit flinguée. En fait, quand t'étais à 0%, en réalité, il te restait une réserve d'énergie. Ils ont fait sauter la sécurité pour que tu puisses aller vraiment au bout de ta batterie et pouvoir te sortir de la merde si vraiment t'étais... Et même aussi, c'est qu'en fait, ils vendent des voitures avec des capacités différentes, mais en fait, la batterie est la même. Ouais. Et en fait, ça leur permet d'avoir une différence de gamme. Et justement, pour sortir, ils avaient activé à ceux qui avaient une batterie plus grosse en fait que ce qu'ils devaient normalement avoir. Ils ont activé le mode supérieur pour pouvoir avoir une autonomie plus grande pour pouvoir se barrer des incendies. C'est vrai, t'arrives sur le modèle de licence, ouais. Et puis oui, il y avait aussi la mise à jour du moteur pour aller un peu plus vite. En fait, ils ont juste activé des modes un peu. Alors, sachant que c'est dans des conditions de température, dans des conditions assez fortes, etc. Parce qu'en fait, le principal problème que t'as quand tu commences à mettre de la puissance très forte dans tes moteurs, c'est que ça chauffe énormément et que si jamais t'es fusible ou n'importe quoi, tout n'est pas fait pour gérer ça, même ta batterie, tu risques d'avoir des petits problèmes. Donc, en fait, là, ils l'ont activé en rajoutant, en fait, en l'ayant testé avant, je pense, en tout cas, j'espère, et en ayant rajouté les bonnes limites qui vont bien, des limites un peu plus précises. Mais de toute façon, c'est un peu tout le temps la logique d'Elon Musk. C'est-à-dire, d'abord on fait un truc qui marche et après on essaie de le changer. Enfin, c'est le cas aussi pour le SpaceX. Enfin, c'est toujours ça. On essaie d'utiliser des vieilles technologies. D'abord, ça doit marcher et après on essaie de l'optimiser pour faire quelque chose d'un peu mieux. Enfin, voilà. C'est... Le POC. Ouais, voilà. C'est du POC qui part en prod, quoi. Enfin, un POC fusée, quoi. Ça me fait marrer. Moi, j'avais une image aussi de la voiture un peu traditionnelle où ça ressemblait plus à de l'électronique embarquée avec des composants ultra spécialisés codés pour faire un truc. Enfin, et là, d'avoir vu ça, on avait vraiment l'impression que c'était vraiment... quand on dit que c'est des voitures de geek, les Tesla, au final, ouais, ils ont en gros fait un ordi et puis plusieurs composants avec un réseau interne. Ouais. Enfin, après, il y a toujours les systèmes de sécurité qui là sont vraiment standards. Qui sont différents. Mais... Et qui sont souvent faits en plus par d'autres. C'est Bosch, Siemens, etc. Et ça, c'est vraiment des trucs qui sont ultra fermés, ultra standardisés et pas régulés. Et à la limite, je pense qu'il vaut mieux parce que. Oui. Mais là, on a une certaine fermeture entre guillemets. Ils essayent de s'ouvrir des constructeurs sur l'entertainment justement où tu peux pas avoir ton Waze ou des trucs comme ça. Et là, Tesla, ils ont pris l'autre paradigme où c'est en gros, ils te filent limite, c'est comme ta box sur ta télé, je caricature, hein, mais t'as toutes les fonctions que tu veux dessus. En fait, la bagnole, ça devient un autre lieu de vie privée, quoi. C'est genre, tu mets tout ce que t'aimes dedans, et puis voilà, c'est une autre pièce de ta maison, presque. C'est ça, c'est un peu ça le but. Ouais. Ok, donc voilà, Tesla au Fosdem. Est-ce que vous en avez vu d'autres? Ah si, moi j'en ai vu un petit qui était qui valait une petite note que j'ai trouvé plutôt bien. Enfin, l'idée de base était bien, c'était le Global Consent Manager. C'était sur la track Mozilla, c'était c'était un petit plugin et le dev présentait son plugin. Le concept, je le trouvais plutôt cool, c'était dire on a tout le temps des maintenant avec la GDPR, on a tout le temps une petite pop-up pour demander est-ce que je peux poser mes cookies, est-ce que je peux pomper toutes tes données, est-ce que je peux t'afficher plein de pubs et compagnie. RGPD, sinon oui pour les francophones. Et du coup là le concept c'était dire de base je vais dire non, je vais t'enlever toutes les pop-up et si jamais tu viens 5 fois sur le site. C'est-à-dire que t'as plus ou moins confiance dans le site, en tout cas tu l'utilises un peu plus couramment et du coup tu voudrais peut-être du contenu un peu plus personnalisé, donc là, je t'affiche la pop-up. J'ai trouvé ça bien, en tout cas utile. Après, moi, quand j'avais lu le papier, je m'attendais à un truc un peu plus poussé. Je m'attendais à un truc où tu mettais toutes tes configs, tes préférences de privacy, et lui te gérait toute la gestion des cookies sur tous les sites général. Ça, c'est compliqué parce que c'est pas super standardisé, en fait. Et c'est pas du tout standard. J'ai cru comprendre qu'il y avait des débuts de standardisation, mais c'était une galère monstrueuse. Tout le monde s'amuse à triquer parce que le but, c'est réussir à poser les cookies. S'il y a un truc qui est une manière standard de dire non, tout le monde va se débrouiller pour dire m'en fous, je pose mes cookies quand même, quoi. C'était ce que je te disais d'ailleurs pendant le FOSDEM, c'est que le Do Not Disturb, enfin le Do Not Track, il servait normalement à ça à la base et personne ne le respecte vraiment. Personne ne le respecte, mais alors vraiment pas du tout. Enfin, je serais curieux de savoir s'il y a déjà quelqu'un. J'ai jamais vu un bout de code, où que ce soit, qui parlait du Do Not Track. Enfin, dans Firefox, tu mets l'option. C'est pour ça que maintenant dans les navigateurs, t'as des fonctionnalités, les dernières versions de Firefox et de Chrome, t'as des fonctionnalités de blocage de cookies sur partie intégrées maintenant, parce que de toute façon, le Do Not Track, il sert à rien, donc tu peux choisir de bloquer les types de cookies que tu veux, et puis voilà. Non mais c'est vrai, ce genre de cookies... Enfin moi ce que j'aime bien là-dedans, et qui pourrait peut-être arriver, c'était... Moi, ça me gave un peu de bloquer toutes les pubs. Moi, j'aime pas quand j'arrive sur un site que je connais pas très bien. Il y a tout le temps des pubs de merde, des trucs qui vont aller partout, etc., qui vont me faire péter complètement mon autonomie. Par contre, ça me gave aussi de ne pas mettre de la pub sur les sites que j'aime bien, parce que j'ai l'habitude d'aller, etc. Et j'aimerais bien, pourquoi pas, avoir ce type de choses-là, en fait, même des bloqueurs de pubs, de publicités vraiment complètement what the fuck. Bref. Sur un site. Bref, jusqu'au bout. Hein. Les mecs, là, ils viennent de sortir un truc. Alors, je remets en contexte. Bref, c'est un nouveau navigateur fait par un des mecs de Mozilla, enfin même un des patrons de Mozilla, un truc comme ça. Et le principe, c'est faire un navigateur qui est lié à une crypto-monnaie. Et quand tu l'utilises, le concept de base, c'est que tu dis, par exemple, j'ai envie de mettre 10€ par mois pour les sites que j'aime. Du coup, tu mets 10€, tu achètes 10€ en crypto-monnaie, tu les mets sur ton navigateur. Tu navigues comme d'habitude, ton navigateur va bloquer toutes les pubs et après, à la fin du mois, il va regarder le nombre de fois où tu es allé sur telle et telle page et en fonction, il va rémunérer les sites au prorata de ta visite. Mais ça existe depuis 2005, c'est flatteur et ça n'a pas du tout marché. Après, maintenant, ils ont sorti un nouveau truc. Maintenant, avec Brave, je viens de voir ça et... J'aime bien le concept. Oui, maintenant, ils autorisent de la pub. Alors, ils ont des règles assez strictes sur la pub. Faut pas que ce soit... Faut que ça vienne de Criteo. Voilà, c'est ça. Faut que ce soit bien casse-couille. Non, faut que ce soit... Il y a des règles de pub où c'est... Faut pas que ce soit trop chiant. Et c'est un tiers des bénéfices sont reversés, on va dire, dans une sorte de... dans la crypto-monnaie. Et après, je sais pas comment elle est redistribuée aux publishers. Mais en gros, c'est... Un tiers de revenus générés par cette pub-là va être envoyé pour les publishers qui n'ont pas de pub. Du coup, c'est une façon de, comment dire, de cider, de bootstrapper le concept. Et j'aime bien l'idée d'utiliser la pub pour générer du revenu pour ne plus avoir de pub plus tard. Et j'espère qu'il y aura de plus en plus de personnes sur Brave. Moi-même, je ne l'utilise pas. Mais... Allez-y, c'est bien. Je trouve ça tellement sensible, en fait, le navigateur, puisque c'est notre outil du quotidien. Enfin... Je sais que ce serait très très bien d'aider la Terre entière en utilisant un navigateur externe, etc. Mais bon, si jamais ça me fait aller deux fois moins vite sur tout, etc. Enfin, pour ça que... C'est un Chrome derrière. Hein. Ouais, ouais. C'est presque Chromium, pire. Je crois. Ouais, non, mais. Oui, je suis d'accord. Hein. Non, non, mais je plaisante. C'est juste pour ça que je suis pas dessus, je crois. Et le plugin. Non, mais c'est en fait ce concept-là existait déjà dans Flutter, en fait, qui était tu mets de l'argent tous les mois, en tout cas, enfin, tu définis pour un mois quelle est la quantité d'argent que tu veux donner, et après tu peux choisir. Donc les plein de sites avaient le logo Flutter, et donc à chaque fois que tu cliquais sur le Flutter, ça voulait dire que tu veux donner à cet endroit-là. Donc ça pouvait être aussi bien une page web, une personne, une organisation, un événement ou n'importe quoi. Et ça donnait à chaque fois. Et bah, le problème, c'est que tout le monde doit s'intégrer avec ça. Et en fait, la seule chose qui est le plus standard, bah, en fait, c'est l'argent selon les trébuchants. En fait, c'est la carte bleue. Et en fait, ouais, mais là, pour le coup, t'as même pas besoin de cliquer. Il gère tout pour toi. Oui, mais le site a besoin de s'abonner à ce truc-là, ou alors juste tu le donnes à personne. En fait, le problème, c'est que tout le monde doit y se passer. En fait, et c'est ça tout le problème, c'est que la seule chose qui marche, c'est les banques. En fait, c'est le seul truc où tout le monde est obligé d'y être. Et tant que les banques le font pas, en gros, quasiment un jour, il faudrait que ta carte bleue, elle soit géolocalisée et puis qu'elle dise, ah bah voilà, j'étais à côté de cet endroit-là et donc je vais donner de l'argent à machin. Et je suis allé sur tel site. Enfin, il faudrait quasiment que la carte bleue, tu la mettes dans ton PC et hop, directement, ça envoie du fric à chaque fois que tu vas quelque part. Et je pense qu'aucune des personnes autour de la table serait d'accord de le faire. Je le sens pas trop, moi. Ouais, voilà. Mais c'est le problème, c'est ça, en fait, c'est que c'est absolument pas standard. En fait, réinventer une nouvelle monnaie quand il en existe déjà une, ça a du mal à marcher, en fait. C'est souvent ça le problème. C'est ça qui s'est passé pour Flutter. L'idée est juste génialissime. Le service marchait vraiment très bien. Le problème, c'est que, par exemple, même Wikipédia n'était pas sur Flutter. Donc, en fait, il y avait des fausses pages Flutter où les gens, tu donnais de l'argent à cette page-là et après, les gars s'engageaient à redonner ça sous forme normale, entre guillemets, à Wikipédia. J'ai aucune idée si le gars l'a vraiment fait. Je l'ai fait à l'époque. En tout cas, j'ai donné à cette page-là. Mais tu pouvais donner, par exemple, à un Twitter ou à n'importe quoi, mais il fallait que la personne soit dessus. Mais ça va ressembler, par contre, à tous les financements qu'on a. Ça pourrait servir pour tous les financements Patreon, etc. Tout ça qu'on a sur les pages YouTube, tout ce qui est... Tipeee ou... Ouais, Tipeee, etc. Enfin, ça pourrait servir pour ce genre de choses-là, à la limite. Bon, soit, peut-être. Et en plus, t'en as des choses où tu regardes de la pub et ça donne de l'argent à la personne qui a la page. Non, mais ça, c'est un truc cancer ultime, c'est horrible, ça. Ouais, bah... Sinon, on peut toujours revenir à l'internet payant, hein. La grandeur d'AOL. Bah, on va y revenir, de toute façon. Hein. T'auras ton navigateur AOL qui donnera de l'argent aux gens d'AOL. T'auras accès que aux sites autorisés par AOL. Le Minitel 3615 pourquoi on fait pas ça? Tu l'as appelé Minitel, ton navigateur? Non, mais bon. Crypto Minitel. Ça pourrait être pas mal, ouais. Ouais, bah vas-y, viens, fais ça. Mini crypto. Enfin, crypto Minitel. Bon, voilà, on a encore dévié. Moi, il y avait un dernier talk je sais pas trop quoi en penser, mais en tout cas, voilà, il va lancer un peu le débat. C'était un talk sur les cloud providers, en disant que c'était le nouveau mal absolu qui existait, c'est-à-dire... C'était une keynote de clôture, ça. Oui, en effet. Attends, c'était pas le terme utilisé, hein, c'était... Non, c'était pas le terme, là, j'ai complètement bullshité. C'était le nouveau Sun, un truc comme ça, ou le nouveau Oracle, oui. Je crois. Hein. Oui, c'est ça, en fait. En gros, c'était... Pour dire ta définition de mal absolu, quoi. Ouais, voilà. En gros, il revenait sur la genèse du pourquoi Sun Microsystems s'était complètement cassé la gueule et pourquoi les gens avaient arrêté d'utiliser les bases Oracle. Enfin, sauf Amazon. Et ouais. C'est le pire. Et donc, en gros, pourquoi via la liberté, via tout ça, les gens avaient arrêté parce qu'il y avait tellement de différences et que Sun s'était cru invincible, invulnérable et too big to fall, en gros. Et c'est pour ça que le libre avait gagné et que c'était un peu la même chose qui se passait sur les cloud providers. Est-ce que j'ai à peu près résumé les choses Ouais. C'était l'idée aussi. Ça parlait aussi de, en gros, que les cloud providers, c'était yet another vendor lock-in, quoi. Mmh. Il me semble. Que tu savais pas, en fait, ce qui tournait en dessous et donc que potentiellement. En fait, tout le monde disait que c'était facile de passer d'un cloud provider à un autre, sauf qu'en fait, pas tant que ça, quoi. T'as toujours des spécificités et tu sais pas, comme tu dis, ce qui tourne en dessous, donc. Oui, c'est typiquement, il disait, oui, mais typiquement, je sais pas, je prends un GKE, c'est un cluster, enfin, c'est un cube dans le cloud, du coup, c'est open source, c'est bon, je maîtrise. Et ce qu'il disait, c'était, oui, mais il pourrait te dire sans GKE, ils auraient pu changer la moitié du code, tu serais juste pas au courant, t'aurais rien vu, quoi. Ouais, non, mais c'est exactement ça. Et donc au final, là, ça pose vraiment le débat de la bataille du cloud en fait qui se fait à l'heure actuelle. Enfin, est-ce qu'au final, le fait que il y ait beaucoup de cloud providers, ça améliore les choses ou pas? Après, je sais pas ce que tu appelles beaucoup de cloud providers, mais ouais, il y a quand même... en a plein. Hein. Tu vas alors, je fais un peu de. Il y a quand même des gros monopoles. Hein. J'ai l'impression. Non. Alors, il y a des monopoles. Après, il y en a beaucoup qui quand même enfin, je vois Alibaba qui pousse pas mal en fait. Tu vois, aussi con que ce soit, il commence à y avoir des clouds Alibaba même en Europe, etc. Enfin, on a quelque chose qui apparaît. Et puis, enfin, déjà, il y a déjà trois gros acteurs. Il y a IBM qui a racheté Red Hat pour pouvoir devenir un acteur majeur du cloud. Oui, Google Amazon, c'est ça? Google Amazon Azure. Enfin, là, à l'heure actuelle, je fais beaucoup d'Azure. Enfin, de Microsoft. Enfin, après, en fait, le problème, c'est le prisme qu'on a en étant français. Dans certaines boîtes qui font du on-premise sur du Debian avec du PHP et de l'Apache. Mm-hmm. Voilà. Est-ce que vraiment on a une vision claire du cloud quand on est dans cet état-là? Non, mais la question. Clairement pas. On a des rêves. On mais a pour des nous, rêves. Pierre. Parce qu'il y en a vraiment plein des clouds. Il y a Digital Ocean. Digital Ocean. C'est vrai que ça. Il y a OVH. Exoscale. Il y a OVH. Exoscale, le cloud suisse. Voilà. Ils disent que tes données sont neutres. Il y a Packet, qui est le Bar Metal as Cloud, qui est à la base originaire de chez New York. Il y en a plein. Hein. C'est comme d'habitude. Scale ouais. T'as les géants et puis il y a SoftLayer qui est là depuis aussi longtemps qu'Amazon, que peu de personnes connaissent, mais qui existait qu'aux États-Unis est plutôt bien connu. Après, est-ce que vous êtes prêt à confier vos prods à ces trucs-là? C'est-à-dire, moi, j'ai eu de l'OVH, j'ai eu du Digital Ocean, j'ai eu du le truc de Free, là, je sais plus comment il s'appelle. J'ai eu à peu près de tout. Hein. Après, Scaleway, ouais, j'ai eu du Scaleway qui est très très bien. Le truc, c'est que ça, c'est bien pour faire mumuse, mais aller mettre une prod avec 700 machines là-dessus? Non, c'est faux. C'est un autre délire. T'as envie de laisser à tes ops le soin de ta prod? Non. Bon, pourtant, tu le fais à l'heure actuelle. Ouais, je les surveille quand même, je suis dans la même salle. C'est sûr. Non, mais en effet, non, ça ne pose pas de problème. Regarde, Guillaume, lui, il a déjà des expériences d'avoir fait tourner de la prod sur de l'OVH et il n'avait pas forcément eu plus de soucis qu'ailleurs, quoi. Non, mais hormis le fait. Ouais. Non, à part hormis le fait. Que le brancher un rack, mais. Tu crois qu'on ne le fait pas chez nous? Enfin, bref. Ouais. Hormis le fait que quand une boîte est plus grosse comme Amazon ou Google, ils ont plus de force pour délivrer des features et donc des nouvelles API et donc des nouveaux composants, mais il n'y a que ça. Sinon, il n'y a que ça vraiment qui fait qu'ils sont attirés. Et après, ils font des business pour te dire, tiens, je te fais un peu de partenariat à droite à gauche. Et puis après, je profite du fait que j'ai déjà une partie de ma maison mère qui est dessus. Vas-y, c'est mieux d'utiliser le même écosystème. Tu vois, toujours dans le même esprit de, il faut mettre tous les œufs dans le même panier parce qu'au final, c'est plus facile à administrer. Oui. Et puis, c'est tout. En fait, alors là, je vais y arriver. En fait, tu peux te dire que même si ton provider est entre guillemets pas fiable, tu peux très bien le régler toi par-dessus, en fait, et se dire, en fait, mon provider est pas flamme, mais je suis sur trois providers. Oui, de toute façon, t'es jamais censé truster ton provider. Enfin, de toute façon, jamais truster un truc qui s'approche du sysadmin, SRE et tout. C'est pas des mecs de confiance. Mais voilà, en fait, tu pourrais très bien avoir de la prod chez OVH, voilà, et dès que tu as un problème, te dire, mais de l'avoir conçu dans ton produit, dans ton business model, dans tout ça, de se dire, j'ai au cas où quelque chose ailleurs. Il pourrait presque, en fait, le vendre comme une feature, genre Chaos Monkey intégré. Mais clairement, en fait, mais c'est ça, en fait, on se bat pour avoir du Chaos Monkey et on se bat pour pas être chez quelqu'un où c'est embedded. Enfin, c'est. c'est vrai, carrément. Non, mais c'est là avec les spots instance ou n'importe quoi. Je le pense vraiment, en fait. Hein, c'est. En fait, en gros, à chacun de faire ses choix. C'est-à-dire, si t'as du legacy qui marche très mal et que tu trustes de la machine qui ne doit jamais tomber, etc., va sur de l'Amazon et peut-être ça marchera. Et si jamais t'as un code qui est vraiment ultra résilient, etc., OVH ne devrait pas te faire peur en théorie. Sauf si vraiment tout le réseau tombe, et dans ces cas-là, ton truc est comme c'est un truc qui tombe assez souvent, c'est ça qui est chiant. Mais si tu le fais chez toi, hein, ça tombe aussi. Mais, et de toute façon, c'est toujours un calcul de SLA, en fait. C'est-à-dire, c'est un coût gain par rapport à ce que ça au risque. Et à toi de le faire, en fait. Peut-être que ça me coûte 10 fois moins cher et ça tombe 2 fois plus. Bon, deal, je préfère le 10 fois plutôt que le 2 fois, en fait. Mais ça dépend beaucoup de ce que tu fais. Si jamais tu fais de la santé, tu le feras peut-être pas. Si jamais tu fais, un autre système, tu le feras pas. En fait, ça dépend beaucoup, beaucoup, beaucoup de ton business. À toi, en tant qu'ingénieur, de trouver la meilleure solution à ton problème. Et il n'y a pas de bonne solution. Ouais, mais moi, j'avais plutôt perçu cette keynote de clôture comme étant justement un shift dans la perception de. À un moment donné, on a fait de l'open source parce que c'était les valeurs de on veut des choses un peu plus ouvertes et interopérables. Et deux, maintenant, avec tout ce qui est ça, c'est tellement on-demand que, je m'en fous parce que si je suis une startup, dans 2 ans, je revends et puis whatever. Si je fais du locking, je m'en fous. Dans 2 ans, c'est plus mon problème. Ou je vais utiliser ça parce que m'en fous, je veux le moins cher. Et que peu importe les valeurs de si je suis locké, je suis moins cher. De toute façon, la vie va tellement vite que demain, je ferai autre chose. Ou c'est de se dire, de toute façon, tout est déjà legacy. Enfin, j'ai poussé mon code, c'est déjà du legacy. Exactement. Après il parlait aussi du serverless, hein, qui est un point qui arrive énormément. On n'a pas parlé jusqu'à présent. Mais le serverless, pour le coup, c'est du... Enfin, très souvent, du gros, gros, gros, gros locking. C'est pour ça d'ailleurs qu'il parlait, si on en a un peu parlé, du PHP. C'est là qu'il a fait la référence au PHP. Exactement, c'est dans cette keynote-là où on a eu la référence qui est PHP, au final, c'est du serverless pas locké. Enfin, t'es locké à PHP. Enfin, c'est... Non. Et voilà. Enfin, c'était un peu ça là-dedans. Après, est-ce que cette keynote-là est un aveu de faiblesse? Est-ce que c'est une sorte de dernier soubresaut de l'open source à l'ancienne là-dedans? Enfin, j'arrive pas à savoir, en fait. J'arrive pas à savoir si je suis heureux d'avoir vu cette présentation ou est-ce que je suis déçu. Enfin, après, au moins, elle a le mérite de nous avoir fait réfléchir. Pardon. Après, j'ai envie de dire, c'est. Comment dire, t'as quand même, les clouds sont basés à fond, mais vraiment à fond sur l'open source encore. Enfin, mine de rien, typiquement, t'enlèves Cube, il y a beaucoup moins de clouds d'un côté. C'est-à-dire, maintenant, le cloud était complètement privé. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les bases du cloud qui est privé, en gros, ils privatisent. Le cloud, c'est juste de la privatisation d'open source, j'ai l'impression. Et du coup, ils sont obligés, s'ils veulent continuer d'avoir une traction, et je pense qu'ils l'ont compris, ils sont obligés de continuer à contribuer à l'open source. ECS, par exemple, qui était ECS, qui était l'orchestrateur d'Amazon. Moi, ça l'est toujours. Hein. Ouais, enfin, ça marche pas. Ouais, enfin, ça plus... Non, alors, le service ECS ne marche pas, parce qu'en effet, les gens qui veulent descendre à l'unité de faire du conteneur font du cube. Tu te souviens, on était à un premier meet-up sur Paris où on leur a dit, mais pourquoi vous n'êtes pas comme Google et vous mettez sur le contrat de... On était à Epitech, c'était pas Paris. Mais c'était un meet-up Amazon, c'était là-bas. Bref. Oui, pour ça. Mais tous les autres services qu'ils font, AWS Batch, AWS Fortgate ou n'importe quoi, ils sont toujours, eux, basés sur leur orchestrateur qui est ECS. Leur orchestrateur maison, c'est ça, et il est encore exploité. Il n'est pas décommissionné, le truc. Hein. Non, bien sûr, non, mais il restera encore un moment. Mais à l'heure actuelle, ils ont été obligés de faire ECS. Ah oui, bah oui. Moi, à l'heure actuelle, j'ai des missions de passage, justement, de ECS à ECS. Hein, clairement, c'est à l'heure actuelle un trend que j'ai pour les gens qui étaient sur ECS. Et c'est pas compliqué. Enfin, tu vois, il y avait un vendor log sur ECS. Au final, par ces deux ECS à ECS, franchement, c'est pas très compliqué, quoi. Oui, il y a un vendor, tes trucs, tes configurations, elles étaient ECS, les passer sur le ECS alors que t'as un Docker, enfin une image de conteneur. Simple, quoi. T'avais déjà un Dockerfile avant, t'as un Dockerfile après, ouais, parce avec que un t'avais déjà des concepts et des primitives. Exactement. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué de porter une application sur les concepts justement du conteneur, que ce soit Cube Swarm ou whatever, avec les secrets, les config map et tout ça, que de passer d'un système à l'autre, parce que les concepts sont les mêmes, c'est l'implémentation qui était légèrement différente. Et c'est vrai que c'est ça qui est assez intéressant, on parle beaucoup de vendor locking, mais il y a un truc qui est pas mal, c'est la containerisation. Ça fait quand même une très grosse interface commune pour absolument tous les vendors dans le cloud, en fait partout, et dans le cloud et pour l'héberger. On sait que t'as un truc à faire héberger quelque part, maintenant c'est tu fais une image. Et après, tu files ça à quelqu'un, n'importe qui, il sera capable de te le hoster. Ah bah ouais, c'était toujours la promesse de Docker. Hein. Tu regardes sur leur t-shirt, c'était Run Everywhere. Hein. Et ça, pour le coup, là, ils ont vraiment bien réussi, je trouve. Bien sûr. Bon, bah, oui, enfin, moi, je suis entièrement d'accord aussi. Est-ce que vous avez autre chose? Moi, j'ai 2 talks que j'avais fortement appréciés, qui sortent un peu de la track. C'en était un sur... c'était dans la Room Go. Est-ce que je peux retrouver l'auteur de ce talk? C'est une madame qui travaille chez Deis Labs, donc maintenant qui fait partie de chez Microsoft. Et comment qu'elle s'appelle, la madame? Elle s'appelle Caroline Van Slyck. Et bon, c'était simplement un petit talk pour nous expliquer comment essayer de designer des clés basées en Go, mais en prenant en compte d'abord l'aspect utilisateur, c'est-à-dire vraiment comment former ta sémantique de ta CLI. Et donc derrière ça, elle a quand même fait un peu la promotion de certains frameworks comme Cobra, Viper et un autre, je sais plus, pour l'interaction des IO. Bref, je retrouverai. Et c'était vachement intéressant. Mais elle a vraiment insisté sur le design de la sémantique de ta CLI par rapport à ce que tu veux en faire, comment tu veux la partager, dans quel projet, quels sont les end users. Et ça, c'était fortement intéressant. Pour moi, qui ai plus un background opérationnel, donc main sur le clavier, et je réfléchis après, par rapport à un design de conception d'application. Et Le deuxième talk, c'était Homebrew. Je ne sais pas si vous connaissez Homebrew. Homebrew, c'est le gestionnaire de package qui a émergé sur la plateforme macOS. Et qui était dont le concept était intéressant. Donc là, maintenant, ils ont atteint leurs petits 10 ans. Ils ont atteint la version 2 et ils sont désormais compatibles Linux. Waouh ! Et Windows. Ils projettent aussi d'être aussi compatibles Windows. Et c'était vachement cool. Donc pour ceux qui connaissent pas forcément Homebrew, c'est un package, c'est donc un système de package, mais qui se repose entièrement sur GitHub en tant que back-end et source de vérité et contribution. Pour ceux qui ont déjà essayé de faire des packages et de les mettre dans la communauté Debian ou dans une autre communauté de distro, vous pouvez savoir à quel point c'est difficile. Alors j'ai eu l'expérience récemment, et ben c'est super simple. T'as juste à attendre. Genre du jour au lendemain, j'ai pas compris, j'ai eu un pic, enfin bref, je regardais les sources pour savoir d'où ça venait sur GitHub, en gros, qui regardait ma page, et là j'ai vu un truc genre sur Debian, et là je vois, ok, j'ai rejoint les repos officiels de Debian, de Arch et compagnie, et en fait les mecs, ils le font tout seul en fait, c'est trop bien. Donc c'est pas si compliqué. T'as lu combien de fois le Debian manifesto et le package manager? Par contre, j'ai essayé de le faire moi-même. Par contre, faut pas le faire soi-même. Faut trouver des bons gros barbus à l'ancienne. Ils sont dans une cave quelque part dans le monde. Je sais pas où ils sont, mais ils doivent être quelque part. Mais non, mais essayez surtout pas de faire ça chez vous parce que c'est vraiment pas une bonne. Alors que là, l'avantage qu'avait Homebrew, c'est qu'ils étaient ultra vanilla par rapport au projet et que après tout se faisait sur des PR GitHub. Tout le récipe, c'était du GitHub. Alors, trop bien. Au lieu de faire du Homebrew, je te conseillerais peut-être d'aller voir Snap. C'est peut-être une alternative qui pourrait être pas mal. C'est pareil. Si tu prends ton Git, tu mets un petit point Snapcraft, je crois, un truc comme ça, c'est un petit manifeste. Et après, il te build ton truc et c'est cross-platform, ça fait de l'update automatique et tout. Cross-platform, je suis pas certain. Cross-distro, sûrement. Oui, non, cross-distro, oui, autant pour moi. Ouais. Non, mais bon, à la base, moi, je m'intéressais à Homebrew parce que pendant un temps, j'étais sur une plateforme macOS et donc je trouvais ça intéressant, l'approche. Mais oui, sinon, il y a Flatpak que moi j'aime bien aussi ou AppImage, des drôles de formats qui émergent en ce moment, mais qui reprennent au final les mêmes idées. De toute façon, le cross-platform, c'est pas ton package manager. Alors, pas du tout. Enfin, Homebrew, pour le coup, ça reprend plutôt Chocolaté. Enfin, tu vois, il y a Chocolaté et Homebrew, ça marche à peu près de la même façon. C'est que ça compile en local sur ton PC. Plus maintenant. Ils faisaient ça au début. Et justement, à un moment donné, ils avaient une chiade d'issues qu'ils pouvaient pas résoudre parce que justement, ça dépendait de chaque poste. Ou maintenant, ils pré-build et ils ont des binaires. Ah, ils pré-build maintenant. Et ils appellent ça des bottles. Et ils les pré-build où? Enfin, quelle est la source de trust de ce. Bon, de ça, je suis pas allé diguer, je te l'avoue. Mais en effet, maintenant, les binaires sont pré-compilés. Après, c'est un des gros problèmes de tous ces systèmes de package, c'est-à-dire Snapcraft et compagnie. C'est basé sur les sources, tu peux pas savoir ce qu'il y a dedans. Typiquement, Snapcraft, j'ai un gros problème avec. Je l'utilise pour savoir quand tous les trucs sont checkés. Par contre, la plupart des trucs, tu sais absolument pas ce qu'il y a dedans, quoi. Alors, c'est ça c'est prévu. C'est-à-dire que Snapcraft a été créé pour pouvoir réaliser des jeux et des applications propriétaires sur Ubuntu. C'est-à-dire des applications que tu ne trustes pas. Et justement, en fait, tout est isolé. C'est-à-dire que, à l'heure actuelle, tu mets des permissions dessus. Et en fait, ton système, enfin, ton Snap peut même pas avoir accès à ton système de fichiers. Donc, en gros, Snapcraft, c'est ça le but. C'est pas juste un installeur. C'est un installeur et un contextualiseur et avec un système de permissions que tu peux en clic dire bah ça a le droit d'accéder à mon dossier machin ou etc etc. C'est vraiment ça le but de Snap et c'est pour ça par exemple que tu peux installer facilement Slack qui est une application qui a beau être basée sur Electron, elle est quand même close source. Elle continue de planter, hein, je te rassure. J'ai essayé. Bon, ça marche plutôt bien et j'en suis plutôt complet. En plus, je fais que des snaps. Je crois que je dois faire au moins un snap par journée ces derniers temps pour dès que je trouve un logiciel que j'ai. Typiquement, dès que je trouve un logiciel Python, j'ai pas envie d'installer Pip sur ma machine. Voilà, c'est ma petite fierté, c'est de ne pas avoir Pip sur ma machine. Et donc, dès que je vois un logiciel Python que j'ai envie d'utiliser, je fais un snap qui va avec. Dès que même je vois un truc Go, j'ai pas envie de me faire chier avec les mises à jour de GoGet qui marchent jamais. Et ben, je fais un snap et je leur release et je leur dis regardez comment on fait un snap directement avec Go release, etc. Enfin, voilà, c'est mon petit délire du moment, je fais des snaps à peu près partout sur tous les logiciels que j'aime bien. Mais un jour, il a aussi commis avec les PPA, mais bon. Ouais, voilà. Et avant, je faisais ça avec les PPA. Enfin bref, c'était mon petit délire d'avoir des PPA pour tous les logiciels que j'utilisais. Enfin bref, voilà, mon petit epic shit. T'en avais un deuxième ou pas J'en ai parlé. J'ai parlé de la CLI en Go. Ah oui. Et ensuite de Homebrew. Ok. Bon bah super. Bon, bah, on peut finir là-dessus. Peut-être aussi pour remettre dans le contexte, voilà, comme c'est la fin, on va parler de la fin du FOSDEM. Donc la fin du FOSDEM, c'est un moment où on n'a presque pas dormi d'un week-end en entier. C'est un moment où on est fatigué, c'est un moment où il fait froid, parce qu'on est à Bruxelles en février. Humide. Voilà, et très humide cette année, en effet. La neige aussi. Ouais, on a eu de la... Enfin, on a tout eu. Mais on a eu des gaufres et du café. Et du café, oui, du café GitHub. Du café gratuit GitHub. Et le café gratuit, c'est toujours mieux qu'un café. Beaucoup d'huile de friture. Beaucoup d'huile de friture. Ouais. Et voilà. Et pour vous dire à quel point on rencontre des gens, c'est que dans le train pour rentrer, donc j'étais à côté de Xavier dans le train, enfin à côté, j'étais à une place à côté, donc c'était même pas fait exprès. Et à côté de nous, il y avait quelqu'un que je connaissais d'une précédente boîte, à côté de Xavier, donc sur le même siège. Et quand on est allé après dans la voiture bar avec pour rejoindre Victor, étonnamment, qu'on était dans, on était à l'eau. C'était ça le pire, on était à l'eau. Et en fait, dans la voiture bar, on a croisé le créateur de Loki avec qui on a pu parler directement. Donc voilà, à quel point le monde est petit dans le même train. Et une autre fierté de Totor, attention, le tweet de la mort. Ah ouais, non. Ouais. Le tweet de la mort, ouais. J'ai réussi à mettre un tweet où j'ai eu le créateur de Loki et le créateur de Prometheus. De Prometheus. Et un autre gars, ouais, sur. Oh, voilà, qui commence à se foutre sur la gueule. ouais, gentiment, mais. Ouais, très très gentiment. Une petite fierté du week-end, ouais. De fin de week-end. Donc voilà un peu pour vous donner l'ambiance. Et après, tout le monde rentre chez lui et dort pour plus de 10 heures non-stop. En tout cas, j'espère pour vous tous. Non. Et ben, je ne sais pas comment tu fais. Mais bon, t'es jeune et insouciant, oui. Bon, voilà. Bon, bah, merci à tous d'être venus. Je sais pas si j'ai des annonces. Bon, bah, voilà. Suivez, comme toujours, les podcasts sur p7t.tech. D'ailleurs, il y en a des nouveaux sur votre profil nous intéresse. Donc, voilà. Ça vous permettra d'avoir certains des gens ici, leur petit profil. Voilà. Ils vont nous raconter un peu leur vie un peu plus qu'ici. Voilà. Suivez-nous en live sur YouTube. Suivez-nous sur Twitter. N'hésitez pas à venir. On n'a pas fait un dans ton cube. Exactement. Mais parce que je cherche des gens qui font du Kubernetes et qui veulent bien en parler. Parce que moi, je suis au taquet, je suis chaud bouillant, mais après. Peut-être que j'aurai des choses à dire dans quelques temps. Ouais, voilà. J'espère. Bah, voilà. Re-teasing là-dessus. Ouais, petite annonce, là. Voilà. On verra. Et donc voilà, donc si jamais vous êtes au taquet pour venir parler, franchement, on est ouvert. Là, on a bu de la bière avant, on a mangé un peu, vous êtes bien accueillis. Et voilà, n'hésitez pas à venir. Merci à tous. Un petit au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Bye bye. Bisous. Bisous, bye bye.